FM Thiès 102.2. Sud FM Thiès 102.2. Bokki ñi ngi leen di nuyu yéen a ngi ci Sud FM Thiès 102.2. Sud FM Thiès 102.2. Sud FM Thiès 102.2. Mbokk yi, ñi ngi leen di nuyu. Yéen a ngi ci Sud FM Thiès 102.2. Sud FM Thiès 102.2. Sud FM Thiès 102.2. Yéen a ngi ci Sud FM Thiès 102.2. Sud FM Thiès 102.2. Sud FM Thiès 102.2. Rencontre des arts. Rencontre des arts présentée par DJ Mbaye. Africa, mon Afrique. Rencontre des arts d'Indadjem Khel ak Khalat. Rencontre des arts Don Njarign ci bir Njarign luy firndel Njarign. Diñu fatali demb ak tay diñu fatali suñuy ciossaan ak suñuy ada diñu jox ay tektal ci ëlëk. Rencontre des arts tous les dimanches à partir de 22h30 jusqu'à 0h. Rencontre des arts. Jamu Afrika mom lay ñaan. Wone jamu Afrika. Voilà, jërëjëf mbokk déglukat yi, ñu ngi leen di nuyu. Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Amat nañu mbékté ak banex di ñëwaat ak yeen ci seen émission Rencontre des Arts, l'émission culturelle de Sud FM seen radio ñu koy faral di défé. Dimanche bi jot ci waxtu wi ma fassiyene nak sama nato nga dambaké lu toll ci waxtu ak genn wal fassiyene jakarlok way kangam yi nga xamé ni seen xam xam dafa ma ci jëm ci walu arab ci sanaka ci ad niñ koy faral di défé démission bi nga xamé ni da ngeen ci mëna duggal seen kaddu ci len itélé ci 33 951 44 42 di len fatali suñu kaddu mi ngi baye ko ci Imam Abdul Aziz ci Dabax ci diwanu 10e ñu ngi nuyu bu baakha baax mbolé seen ñi nga xamni ñom ñoy japp émission bi jamono ji ñi nek ci diwanu Thiès ñi nek tam fenen fo xamni du ci diwan bi am nañ ay auditeur ñuy wowe Kaffrine très souvent dam am nañ ci ño xamni tam ñi ngi ci diwanu Louga diwanu Ndar diwanu Kebemer diwanu Xonku yoy ak Lumpul Ndiarém Bambey Xombol Tivaouen Mboro Daru Khoudous ak fi nga xamni mom modi sa Djogo ñi ngi ñuy doyen Demba Diouf mi ngi ci Djogo mi ngi ñuy deglu bu baakha baax wa andal 1 andal 2 itam Cherif Dia mi ngi ci andal 2 mom mi ngi deglu ci FM sen radio dimanche bi jot neen waxtu wi dal da fay tok japp radio and ak wa dekk ba andal 1 ak andal 2 wa Daru Ndoy ñom ñep ñu ngi leen di nuyu rawatina mbokki Ségul ci boru Grande Côte bi boy yek nak di dem ci kaw tam ñu ngi nuyu Kayar Mbex ak wa keur Matar keur wa keur Sop Serigne Matar Kharigey ñom nak ñi ngi fofé nga xamni nak mi ngi seus rek ak fi nga xamni modi Mbissawo ñom ñep ñi ngi deglu jamono ji neena ñu dal ñi ngi safo bu baaxa baax li nga xamni modi émission bi di Rencontre des Arts ma ngi ci and ak sama nato nga dambaké tay ji nak am nañu ay gan waye dama bayila nga nuyu bala ñi ñew ci plateau bi salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah mbay saoudi le fay di fay nuyu mbok auditeur yi ni deglu di sante yalla mi may fekke tal dimanche bi ñi addu ni deglu ak fu nu munti nek fi di nuyu tamit sunu invité yi ak gadjot nañ fi wala mbekté lay don ci ñun demi mbay tay di ci def tam dañ ci def mention spéciale sunu soxna so xamné tay mo nu invité tay añ fi ci radio bi yow xamna da nga tardé ndax añ bi mom sunu mak Amba Ndiay la tank añ bi jeex yobbu nako magat Diallo di soxna DJ bi tay Dial Mbay añ bu neex wax deug yalla añ bi nak mom dañuy ñaan rek mu gëj fi ndax mom sunu mak amma mom ah tay salit na jaayen bobu waane du ci nuyu madame Ndaw Assin Dongo fa la ci parcelle Assene di ci nuyu tamit señ Sarani Baro ak ñi nga xamni ñom ñog ni deglu fu ñu mën ci nekk tamit di ci nuyu señ Bass Bamba Xewal di sunu wolere ñom ñep dal ñog leen di nuyu Mbay Saw voilà Sud FM toujours à vos côtés wa ñoko def ci agn bi kon kon nan la di hein wa agn bi mais nak malheureusement ndjay nekul ci plateau bi mais euma mu ngi fi te xam nga suba di ngeen jakarlo yow koy parel rek non sank xamul ma wax mo ma bu suba so ngangé rek dina am lo xam nga ay waxam mom du ba ci egg voilà jeureujeuf mbokk yi tay ji nak am nañu ay gan modi Ibrahima Wélé di artiste plasticien di geussu nak di def ay natal jekkon na fi jaar waye nak dafa am ay liggey bo xamne daf ko don setantal tay ji mom la fi ñewé andale ay tableau nak ay tableau yo xamni tay ci son télévision xamna ni décor bi dana yañju lool n'est ce pas nañ ci waxtaan ak mom ñaata tableau la andi dam geussul fofu xawna takku dal yoy yep nañ ci waxtaan ay thème la nak dana ci ñew ak wax ñu tam source d'inspiration fuñu ci tollu way tam ak benen ponk bu am tay suñu rak di suñu consultant Mohamed Badji Tew fi amu ngi ni ñuy fassiyene waxtane ak walu droit d'auteur bon droit d'auteur problème bi si am moy problème la c'est vrai moy ba légui artiste dañ nan ma dañuy droit d'auteur tuddul ful nonu sax déjà tuddul droit d'auteur bon ciopeti bi sodaf la tuddul légui ciopeti ci am est ce que ñi nga xamni ño tax ñu créer ko imprégné wu nañ ci est ce que xam nañu lan la exactement est ce que li nga xamni mom mo taxone jog kurel gogu ba légui ñi ngi ci gis sen bop ndax té dañuy gisoon né ñu ci bari ñom ñoñé dañuy sos mbir mo xamni xeyna la leen ci war ci walu propriété intellectuelle ak li nga xamni modi retombé yi bu duñu koy faral di gis légi sax dañ ci bolé droit voisin lo xamni li bu yag ba par exemple suñu waxone groupe wa flash rek buñ né droit d'auteur mais ça n'est rien moi tu donnes am xeyna ciompal ci gaay légui dafa am ay droits voisins légui les instrumentistes ñom ñagn sen bop ku ci nek di nga am wal ci li nga xamni mom le morceau bi génné est-ce que réellement artiste ñi ngi ci gis sen bop loolu yépp ay laaj la tay ji nañ ci waxtaan ak Mohamed Badji mi nga xamni consultant la yag na ci mom itam di suñu rak bu baax bo xamni lepp lu mu gis lu baax ci walu rencontre des arts daf ci taxaw n'est-ce pas tay tam amna ñu yenen waxtaan modi ki di suñu papa rahmatullah lay bay gan kebe barki dem la def ñenti at bu mu doog li wala juroom yaat bu mu doog li 2013 la won donc ñu ko doon waccel kamil doxantu won nga fa waye tam culture lañuy waxtane tay ji mohammed abdallah kamara di waxtane ben borom xam xam bu mag bo xamni dafa jitu mom itam ko xamni ki xam nañ ko bu baax ci doonu ci soyatam ku laq won ko xamni ki faral di ragné n'est-ce pas lolou yep nek na ci sommaire émission bi tay ji may fatali itam dañ ci mëna duggal sen cadeau bu ñu woté ci 33 951 44 42 Ibrahima Wele mang lay nuyu assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah DJ mang lay fay ginnaw biñuy santé yalla di julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sante suñu wajur yi di len ñaanal yalla ndjegal di ñaanal ñi nga xamantene ci ñoo fi dess yalla na len fi yalla baye ba ci kanam ñu gungé ñu ba ci kanam di xamantene ci ñom la bokal plateau bi dam di sante Comadres Mohamed Badji waaw di la sante di la gërëm aussi DJ bon di sante l'ensemble des téléspectateurs ñi nga xamantene ci aussi ñoo ñuy déglu amin xeyna télé bi day waji waaw xamna ñaan la waaw ñaan la parce que ñaan bi mom il faut ku mu dal inshallah yalla nako yalla def radio bo xamantene ci day and ak télé mu yaatu lool ba askan bi yépp mën ci mëna jëriñu waaw ma ngi sante di sante wa sampaté ñi nga xamantene ci gox bi nga xamantene ci fala nek di len sante bu baax di len remercier di jall ci kilifa diine yi di sante Tierno Jibril won ñi nga xamantene ci ay jangam demb la won di profiter occasion di ko waxale bon di ko sante bu baax di ko ñaanal yalla momit wër guddu fan di sante wa keur oustaz Ahmed Gueye di len ñaanal yalla wër di sante Harouna bi nga xamantene ci momit vraiment loxom setna yaqku ci dara di sante wa keur Aliba ak wa sampaté yeb ties yeb ma ngi len di sante di len gëreum bayiwuma kenn merci beaucoup voilà Badji Mohamed yow itam ñu ngi lay dalal jamm bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh DJ ma ngi nuyu kilifa keur gi buma jallé ci mom nuyu kilifa ñi nga xamni administration tambalé ko ci gouverneur ñew ci kilifa donc les jarafu dekk bi taala ak ñamu andal nuyu kullu artiste di ñaanal suñu doyen bobu suñu pap bobu suñu mam bobu donc bay gan kebe yalla na souf gëna oyof ci kawam yalla yalla tass leeru culture ak art ci ñun ñi nga xamné ay ndaw lañu te gëm nañu que ni vraiment son héritage bokku nañ ci ñu ci am dara di ndokelal suma doyen dame yow mom ñu ngi lay mention spéciale ci voilà. dajale de toute la façon ci li ñuy waxtane sax li la fi taxatew ki di bay gan kebe ci li nga xamno jëm ci walu droit d'auteur il s'est tellement battu pour cette cause et je me rappelle tout le temps dafa don wax nan yeen même quand il est tombé malade bamu fièvre nan yeen dama len di déglu toujours ci rencontre des armées fexé len ba li nenañu dañ koy soppi mom fekkewul sodaf bien tant yi xam dañ koy wat en badji ay at ñu nan dañ koy soppi parce que droit d'auteur nangam mu ni fexé len ba bu soté ñi nga xamni ño tax ngeen di porter combat bi gis ci sen bop gis nga malheureusement fekk ko fi mais la question est toujours là motax ñukoy poser tay ji wa Ibrahima Wele luñ lay laaj mom moy c'est vrai xeyna ba nga fi jëkke ñew am nañu suivre won émission bi mën nga présenter c'est vrai sa bu foot bopam mais Olof Ndiaye ne tungu ne du tew ñuy natal kan moy Ibrahima Wele dam dañ ci am solo waaw damay delu wat ngeen balmo aussi ma remercier ki nga xamantene ci sama nijaay la mom la nekkal tay mom moma bot tay vraiment bama ñëmé bama am fit tay fuma mënta dem tay am fit rek ginnaw yalla mom la ñu nan ko Aliou Seyni Dieng waaw té nek sympaté koku sama nijaay la vraiment mom moma bot bayiwuma ben yoon man ma ngi tuddu Ibrahima Wele juddo Wourama Diou département de Podor yaro fini ci Thiès sampaté waaw di yëngu nag ci parti comment dirais-je di yëngu ci aar bi du moins bu fi wax réew mi di yëngu ci aar bi baal ma parce que orange la sol sax bu muy ñëw fii xoolal li ma sol rek xam nga waaw tey ñu waxtaanee ñëpp li waaw kay waaw kay jërëjëf waaw jërëjëf mu naan parti mu naan parti di jëmoo jërëjëf jërëjëf waaw xam nga rek ñu xam ni militant Idrissa Seck xam nga waaw di yëngu ci aar bi bon di def ay comment dirais-je ay dessins ay tableaux Uh-huh. Tableau yi nak muy tableau yo xamantene si ça parle de l'actualité waaw uh-huh. uh-huh. voilà enfin ce serait intéressant tam nga wax bon no def ba ñew ci parce que d'habitude hein meuna nek par héritage ñu ci bari surtout ñu nek ci ari dañ nan sama papa li affaire daf la dab dang ko jang wala da fay lo xamni dang ko don bon meuna ni peut-être option la rek bo xamantene si dafa ñew ci man nonu rek par hasard parce que dama ko don foyé sama papa xamul luy dessin ab serigne la won aussi bon amna nak sama nijaay bi nga xamantene si mom la la don wax légui diko sante de passage en même temps muy Aliou Seyni Dien koku da don dessiner ay Bob Marley di dessiner ay ay art yu rafet ci mom nak la don copier di xol bon di illustrer en même temps aussi bama nekké école danna dessiner l'autre jour bama fi ñëwé ba ngeen ma invité ma ngi leen ko doon wax mané leen bamay élève di jang podor mëson nañu dajalé ensemble élève yépp ñu né leen nañu dessiner la dior ak fasam bon bama dessiner fas bi man ndekati dañu jël sama boss ñu yobbu ko lycée Charles de Gaulle bu Saint-Louis ñu taf ko fofu ci buntu lycée bi ñepp ñoo xamanteni ci dañuy voyager di dem Podor wala di joggé Podor di dem Dakar dañ may solliciter nan ma vraiment gis nañ ce dessin bi bi nga dessiner ñu ko taf ci lycée Charles de Gaulle yegon nga ko waaw yegon na ko parce que ñu mako don wax waaw ñu mako don wax depuis bobu nak dama ko don foyé né rek diko ki mais nak suma togué nek seul damay nek di xalat ci actualité di xol ci dindunu doomu adama yi ci bir lolu ma ci inspiré di def ay tableau ndax nit ñi dafa am ño xamanteni ci amuñu point fort pour mëna def ay chansons manam comme chanteur di way pour mëna expliquer nit ñi mais mën nañu illustrer ay tableau pour expliquer nit ñi xamal leen li nga xamanteni ci mom lañuy xalat mom lañu xelli bon diko bëgg nit ñi xam ko pour mën ko doxé mom mo waral tableau yi nga xamantene ci mom la illustré ni ñu xamna dinañ ci wax ñu décortiquer ke leen tableau yi mais nak amna tableau yo xamantene ci ñu ngi kër ga jotu ñu ñew ndax tableau yoyu dañoo reuy ay tableau yu mag la 80 sur 1m10 wala 80 sur 1m7 donc mu nek 4 tableaux yo xamantene ci aussi ça parle de l'actualité voilà ban yow ban genre manam art plastique ngay def figuratif décoratif abstrait parce que am nuñ fi jakar lol mais man sam xam xam matul trop ci affaire yi quoi bon affaire dis-moi parce que d'habitude nit yi dañuy dessiner ay nit en badji parfois ñi di dessiner waaw gis na fi lo xamni yang ki def les lions du Sénégal ben gaynde ak ben bal ak coupe du monde bi gaynde gang ni dal ak coupe du monde bi waye bal be nek sen digënté n'est-ce pas bon li illustratif affaire c'est ki ban façon ban xétu art la bi par exemple waaw bi DJ bama gisé coupe du monde bi bañ ko indé Sénégal ma setan télé ci la gissé président diko yëkëti joueur ancien joueur yépp ñu won TV ma xol coupe bi après ci la amé ben inspiration ma dégone aussi wa Orange don publié né bon ñoo ngi ñaan képp ko xamanteni ci mën nga dessiner na nga dessiner ñu duggal ko ci Facebook wa Orange mun ko sponsoriser bon ma taxone nak man tamit ma tok ma inspiré ko dessiner ko man ko dessiner ay defuma ci sax 3 jours hein kon li yagoul de hein non 3 jours defuma ko sax 3 jours yagoul bon dessin bi nak ça parle des lions du Sénégal bon so gisé gaynde gi manam moy suñu mandar ga gaynde gi soko gisé mu ngi ngang bon jëm ci coupe bi xol coupe bi xeful sax coupe bi rek la soxla waaw mu ngi ngang jëm ci coupe bi mais bal bi mo nek digantem ak coupe bi fum nek ni bal bi lay tirer jëm ci coupe bi donc coupe bi la soxla inspiration bi pour me dessiner aussi drapeau du Sénégal bi nga xamanteni ci moy suñu symbole ba pare dessiner terrain bi aussi ci bir drapeau bi waaw légi nak bind ci kaw aller les lions du Sénégal waaw lolu nak day woné né rek c'est une motivation manam bu motiver les joueurs à ce que ñu mëna jëm fulla ba mëna même buñu kiul tamit nañu dem ba soré mais buñu indi won coupe bi ñoñi gënal ndax il est temps nak coupe bi ñeu Sénégal coupe du monde ouais coupe du monde ki dam xana gënd gi bu lekké bal bi rek wara jakarlu coupe bi waaw bokku illustré waaw vraiment gënd bi ñom ni mu walé ni walna ni mom coupe bi bëgg nako xif nako ngang na bal baangi ni seen digënté yalla nu ni mu ko défé da yalla walu jour yi rek ba ñu mu ñëw ak jam fekk ni fi mais nak mo fa xew mo vraiment table bi ala voilà très beau table rafet na quand même yow ci concours bi donc mu jo ci wonam dara bon afin dañ na dama demone orange après bon secrétaire bi mu ne man nako photo après def ko ci enveloppe bind ben ki mom yu jël ko yob ko ci courrier bi bi dem orange bi nek Dakar mais xam nga avec les contraintes bon j'ai pas pu def mako muju mako def bon ba légui ni jotago mako def dal waaw ndax temps bi aussi momay ñatt waaw jeure jeuf ci première présentation bi nga ñu defal tay ji les lions de la triangle dinañ ci del suwat way tam ba djita fokh lu am solo lo xamni xeyna sax da fay nek tem ci li nga xamni mom lañu waxtane tay ji moy da fa wax ba tuddu walu musique xam nga n'est-ce pas parce que musique da fa bok ci xéte art yi nga xamni ku ci nek manam ci fann bi nga yëngu amna musicien amna danseur amna artiste comédien amna artiste plasticien peinture yoy yep nek na yi nga xamni parce que dañuy faral wax na la musique et la peinture ont toujours été liées par à la vie de l'homme parce que nek na li nga xamni toujours lu nit di jël ci xolam motax di ñu d'habitude dañ nane artiste ken mënu ko fay parce que il prend de lui pour donner aux autres bon nombre d'artistes nak dañuy gis dañuy xol diversité bi am ci digënté complexité bi ci entre peinture ak musique mo lo xamni da fay évoluer au fil des ans ba ligi dañ gis sax ñu xamni forcément bo nekké artiste plasticien da ngay way amna ñoo xamni nak musique bi mo leen di inspirer d'habitude am ñoo xam buñuy peinture dañuy bëgg tok di dégglu dara ben ay pitch wala xam nga tout ça c'est des sons n'est-ce pas nañ ci am temps xeyna déllu ci ak wélé pour mu wax ñu lan moy source d'inspiration voilà deuxième sujet bi ñuy waxtané Mohamed Badji moy droit d'auteur et puis ma wax né ñi nga xamni ñoo ci yag dox tam dañ leen gëjë dégg ça c'est vrai Maguette Thiam West qu'il se trouve bu wa nekkon wa flash déggatuñ ko Ibrahima Mbaye il est là xeyna dina dugg ci biir émission bi parce que bokk na ci wa AMS Jules Dramé bi nga xamé ni mom dox na ci def ci ay séminaire Arcos ñom ñep n'est-ce pas Arcès ñu on les entend plus c'est vrai le sujet est toujours là voilà Khalima wa ñom Khalima Sar ñom ñep ils sont interpellés peut-être nañ woté mais gis nga quel était le problème tant au droit d'auteur d'abord déjà Mohamed Badji déjà la professionnalisation fo bala ngay meuna bénéficier donc de ces droits fo nga nek donc quelqu'un bi xam nga am une carte professionnelle ni man li la voilà d'abord reconnu bo xamni fat c'est une institution donc culturelle muy centre culturel yi lay jaar wala ci ministère yi wala d'autres déjà lolu mo done problème bi donc lolu je crois que dépasser nañ ko ci ba ci région yi ya beaucoup d'artistes vraiment yi xam nañ seen carte donc professionnelle artiste écrivain ak kep ku yëngu ci art culture donc voilà droit d'auteur donc fofu la tolo man amone na chance participer donc ci CRD bu ñu defone à Thiès avec jadis ministre bi nekkon de la culture c'était en Cheikh Tidiane Mbaye voilà je crois que c'était en 2012 ou 2013 Abdou Aziz Mbaye voilà voilà participer ci CRD bi li mo xone c'est assez clair et sogaf bobu ngay wax je crois que c'est une idée bi nga xamni ça venait donc en tout cas de Wade ou bien de ses conseillers def conseil des ministres buñ ci ñëk def c'était en 2008 amon na ko suma documentation bi dina ko wax ci lañu xol nek il faut ñu revoir un peu la rémunération voilà des artistes et tout ça ñu né donc droit d'auteur c'est quelque chose donc que l'on rémunère mais fal lañu jëlé le financement c'était un problème xam nañ fi amul événementiel yu am doole nga xamni soit l'écrivain ou bien le musicien ou bien l'artiste plastique dina ci am doole donc Ablaye Wade à son temps il avait dit que ni financement bi c'est simple. Tay, on ne peut pas lutter carrément contre la piraterie. Mais il y a beaucoup de choses, d'éléments, de matériel. Donc, il y a des choses qui sont mémoire enregistrées. Lui du Sénégal, mon portable, carte mémoire, télé, support, yep. Donc, il y a une taxe qui est financée. Donc, financer, donc cette société générale, c'est une idée excellente. Il y a le DEF, il y a le matérialiser. Non, et puis, un point, Fofu Moy, Wad avait très bien débuté. Machallah, machallah. C'est ce qui est le plus apprécié, nous, acteurs culturels. Quand le projet était tellement bien défini, je ne sais pas ce que je fais. Nous avons une chance donc, avec ce régime, nous avons une donc, nous avons défar ba ñu def ci ay CRD dans toutes les régions du Sénégal artistes ñeu participer ku ne nga poser question le ministre ak l'équipe technique mo am une suivi surtout à Thiès gaay def ci émission bo ñuy am ñu téwal au niveau national au niveau de cette société nekatul ay bureau de droit de terre c'est une société bi nga xamné artistes ñeu ci nek et c'est de grands artistes hein. Côté hip hop bi c'est ay Malal Tal côté écrivain de grands écrivains Aliou Mbarabey justement musicien je crois Doudou Ndiaye Mbeng ak qui ak le gars du studio Midi Abdou Aziz quelque chose comme ça mom mo nekkone sax tan au BSDA c'était le PCA DJ li ñuy jaaxal ñun même Khoumane mi ngi ci Khoumane donc on est bien représenté li ñu jaaxal moy tay kenn mënu la famu toll ñom ñi ci bop sen bop lan lañuy rémunération lan artiste bi fan lay jëlé donc nan lay nekké sociétaire nan la ci bénéficier xamuñu ko ya pas les tenants et les aboutissants lérul mu nekk lo xamné ci DJ dëkk bi ñu ngi kaas ñangi marche en sa ñaay di kaas en droit connait artiste def tek xeyna ñom spiritualité biñu dund quand tu es artiste am lo ils sont imprégnés quoi c'est spirituel xeyna motax artiste jogu ñu marche nan dañuy nangam mais il est important parce que da ngay gis artiste bu febar amul lu mi fa jow ñukoy kétal ñukoy téléton wal lolu c'est dafa ñaaw ta artiste moy porte étendardu dekk tay en commençant par wélé dafa wax lu am solo il a un tableau bu mu défar mu nekk ci fan nga wax sank orange xam non mu nekk saint louis fi mu wax ci lycée ba waaw lycée ba charles de gaulle oui ku xam saint louis xam c'est une ville culturelle et touristique tay ñi ñangi joggé fu ne ci aduna diko xol diko gis diko photo di yobbu waron na ci am dara voilà fa lay waxé nañu commencer par motax ma kay la d'abord est-ce que yegon na ni yobbu na voilà monsieur wélé c'est un droit bu le revenir xawma ñaata at la am mais at yoy yeb bo ci amé ñu la ci taxaw bu ko jaré wa illa buñ dëgëré bap ñu wut avocat at yifa photo bi tableau bi nek yépp dañ la ko wara fay loolu la yoon wax mais déjà loolu yéne boko réclamé do ko am un droit duñ la fekk nga tok fi nga tok samba dégalé nan la am kay jël ko effectivement il faut ñun ñu yéw wat fo mo ta tay ñu andi thème bobu ñi artiste xam seen droit et puis balma badji c'est important parce que à l'origine de l'idée d'abord c'était wax nga ko modi artiste ku ci febar dañ lay kétal c'est des gens pauvres sen nit ñu jël kaw Ablaye Ndiaye Thiossane quand on a appris que amna ben tableau bo xamni ñi Nations Unies quelque chose par exemple bo xamni ci manufacture la jaré après ensuite ma ñew si sœur bi après il y a eu le fessman bi c'était tout était en ordre après il y a eu des trucs politiques mo am cassu est-ce que tu vas donc c'est l'occasion nous remuer encore je dis bien le couteau dans la plaie parce que ki gom la bo xamni dañ ci il faut que ñu xolli wat ko nit yi mën ci waxtan ñu xam réellement parce que li dal wélé par un exemple c'est un exemple xeyna sa bo démé xamul han xeyna bo démé sax amul encadrement wala donc le managering bi war ci mom il vous faut des managers bo nek artiste li ngay def gëm ko mais manager dafa am solo soko mënul fay tamit et tout ça na nek ko xamné gëm na li ngay def mënul la pousser parce que li ni xeyna xamoko won mais c'est important effectivement artiste yu bari ñu ngi lool te li ma gëna frappé ci ay tableau DJ Mbaye fo wër ci aduna gis ay tableau d'art plastique do ci gis numéro téléphone Sénégal rek nga koy gis artiste bu def tableau def numéro mais lool numéro téléphone bobu la bëgg xam mom mo wax ma lan la lan mo tax mu def ci numéro téléphone non question lool dafa signé ba note bi Wellardo c'est une signature d'artiste nga def ci sa numéro de téléphone lolou c'est pas une norme ñom Picasso defu ñuko fi motax nga def ko waaw bon Wellardo bi numéro de téléphone waaw attends ma ñew ci Wellardo bi Wellardo bi so gisé ma bindu ko sama tour artistique la Wellardo bi dama xol wélé porte l'ars sur son dos légui ma djel wélé bi daguko djel bolé ko ak ar bi mu nek wélar hein donc ma dindi sur son dos bi indi dos bi ki ko collé ko mu nek wélar dos ma def ko mu nek sama tour artistique waaw numéro téléphone bi nak so gisé ma ki ko ma def ko ci c'est parce que bon dafa am ay nit ño xamantene si peut-être sa œuvre boko défaré ba paré bon di nga gis nit ko xamantene si peut-être dina ko jënd té bu ko jëndé tamit bu démé tay ba wéku ko ci négam wala salam bon bu amé gan bu ko xolé dina né mé yow ni ki bi rafet na yaay dégg kan mo la ko défaré mu nako numéro mu ngi ci tableau bi bu ko défé koku tamit dina la mëna contacter wo la né la man tamit dama bëggon nga commander nga défal ma benen tableau bu melni comme bi nga défaron diw légi bu ko défé nga mën ko défar lolo waral numéro téléphone yi ñi ci def lolu la innovation lolu amul Picasso défako gaay defuñu ko ñi exposé Dakar xeyna manque de visibilité bi ñuy wax xeyna tay centre culturel ba mësu fa exposé xeyna tay Thiès amo donc salle yu mag yu mëna exposé mësuma exposé boy voilà lolu yépp c'est des problèmes à régler amna salle yu fi nekk ya des centres culturels yu nekk ci dëkk bi ñi xam nañ leen donc je crois c'est l'occasion tay buñ fi joggé wélar bu ñi xam la parce que la ngay défar xeyna nekk ñu télé man de sa même impression c'est des actualités mais basi li nga wax leg ci balé parce que déjà mom néna dafa bëgguna exposer fi ci entrée ci entrée ci entrée bi avant dem na ba def demande ak maire Aline Sow mais bobu légui ngi tok gaay ki bobu légui ñu ngi nan mëna xaar dañ ma woo dinañ ma woo esplanade des droits de l'homme moy feulé entrée bi fi Pape Jean nékkon Pape Jean Faye après lycée Malick non non après lycée Malick si ci parking bi fofu ci ki gazon bi non moy esplanade des droits de l'homme ah voilà d'accord mais néna ma depuis bobu légui def na dem na ci maire bi demandé autorisation mais ba légui dara soti wul mais lolou tamit yow basi comme yow côté bobu tamit ding ci yangu jow xamna porteur de combat hein parce que dañuy commencer fenn di nga xeyna fi nga wax sun bébét la mais da nga wax fu am solo da nga deug sampaté sampaté yalla def fofu nonu mairie Thiès Est fa la nek salle de délibération ba gis na fa duguna fa gisuma fa benn tableau gisuma fa benn tableau te lolou amul won ci suñu bu ñeuk mairie ba fa duggé mairie ville nga gis ay ngandi tableau bureau bo dugg xeyna mairie yaguñu fi mais c'est important artiste bu deug sampaté la mairie nek tout à côté salle de délibération mairie bu Thiès Est gisuma fa man benn tableau defna fa séminaire defat fa séminaire matul une semaine buma fa joggé lolu c'est un problème à corriger fofu lañ lay may nga expose te dañ ko dox ak monsieur le maire ak les charges donc de les affaires culturelles et artistiques comme luñ lay promettre la inshallah après ñu xol fa lé ma toftal ci ben question bala may bayyi dam mu ñu présenter Elage Camara borom xam xam bobu dañuy faral li gis d'habitude chez les artistes plasticiens lañ koy faral wax dañ nan ci artistes plasticiens développer ou pratiquer un art d'habitude da fay da fay permettre yow nga découvrir sa bop hein na la permettre non seulement ngay découvrir sa bop mais ngay développer sa personnalité ak di exprimer ses sentiments bon artiste mais particulièrement ci artiste plasticien parce que dou ma gisé par exemple xawna ma sori mais je vois une ville ben ville daf melni ben ville la gis mu défar est-ce que tu vois c'est des révoltes intérieures wala da fay lo xamni li ay illustrations yo xam dang koy yegni rek par exemple voilà ce tableau ce serait bien que mu voilà wow. Expliquez-moi un peu quoi expliquez-moi voilà tableau bi lan la waaw tableau bi ça parle de la solidarité wow. Donc la solidarité exige le développement d'un pays waaw dama gis né nit ñi ci aduna bi actuellement grawna trop waaw actuellement ni bon ñi nga xamantene si dañoo ñak manam ay pauvre difficilement ñu leen di aider duñ leen jappalé té yakarna bala nga jël xaliss di may nit ki won ko nu ñuy nappé bu ko défé mom bo fa nekkul mo mëna nappal bopam donc lolu ci lolu la xalaat né nit ñi da ngay gis nit ku dem liggéey ñeu indi xaliss may la au lieu que mu jappalé la won la yan ban yon ngay jaar yow tamit ba nga mëna am yow tamit nga mëna dimbalé kenen mo waral ma défar tableau bi dama dessiner ben ville gis nga ville bi gis nga tali bi tali nu dagué dugg ci bir ville mu am ay auto yi ci daw ci bir bon donc mu am avion bi ci kaw am geej bi nga gis picci ci kaw bon mu am nak échelle bo xamantene ci dafa wacc échelle bi ci souf ay village la village bi manam ya nga gis borom charrette bi mu ngi yek ci charretam di talal loxo ñi nek ci kaw échelle bi ñi ñangi yek ci kaw échelle bi nga gis couple bi aussi ñu ngi yotu sen loxo ñomit ñi nek ci échelle bi manam ils veulent aller vers le développement donc bëgg nañu joggé ci étape biñu nek dem ci étape supérieure kon pour lolu mëna am il faut que ñi nga xamantene ci ño nek ci kaw ñu mëna jappalé ñi nek ci souf manam gis nga ki yek ci kaw SLB mu ngi yotu keneen ki nga xamantene ci mo top ci mom pour may ko loxo pour may ko loxo pour mu ñew wa pour mu ñew ki tamit ki ñi may loxo momit mu ngi may loxo keneen keneen ki tamit mi ngi may ñi nga xamantene ño nek ci souf di daw di ñew di len wut ci di len may loxo donc lolu bu fekke ne ñepp am nañu esprit bobu esprit de solidarité bobu ba yakar na ne pauvreté bi dina wagne ko ci aduna bi en tout cas badji dama gis ñaari monde yu différent les gens ville vie ak la pauvreté traversé par séparé par une mer mais traversé par lu melni échelle wala ben pont bo xamni ñi nga xamni dañu nek ci souf nek pauvre ñi nga xamni ñi ngi dem vers l'aisance ñi ngi leen di may loxo pour ñu ñew waaw mom da fay symboliser solidarité bu leeg rek daf koy symboliser 33 907 be paré sous vert là ça je le signale sous vert là n'est-ce pas 33 951 44 42 après dinañ wax ni yan matière la utiliser pour ñeu def li nga xamni mom moy en tout cas c'est très joli ouais c'est très beau voilà 33 951 44 42 voilà ñu jël auditeur bala ñi ñeu ci dame pour la suite allô oui salam alaykoum malikoum salam ouais allô oui mbaye nga ngi jaar wa ko kan la wala mandjay mandjay na nga def mënala da waaw artiste way kat bu magangi non waaw sama way la de mom ma ñay sama bi invité ko xamanteni sama doomu nday la billahi wallahi muy alaaji wala mom vraiment bi ko xamanteni jambar la dal te kess bu ko jappale rek warna mëna dem merci allo way mi ngi lay deg wélé way allo ma ñay wa contane na ci yow contane na trop oui sama doomu nday nga voilà problème réseau xamna ma jay do déplacer touti wa déplacer touti ma jay déplacer touti voilà malheureusement dagna peut-être nañu am temps delu swat man ko don wax ci sommaire émission bi dame voilà ñu jël auditeur bi mi ngi ci ligne bi allô voilà kitam amna kon dam ñu ñew ci élage camara voilà jërëjëf Mbaye Sow ki ñi waxtane tay ji muy Aladji Camara nekkon borom xam xam bu reuy juggé fele ci digënté Guinée Bissau ñew fi ci Sénégal dekkon fi ci Grand Caisse ci boru Normandie di papay ci sunu xarit Abdou Khadir Camara doomu Abdou Khadir Camara di setti goor gi mom la doon monu may waxtan xamal ñu kuy goor gi wané de mbay goor gu ku yow ngi ni di ci nuyu wala tamit sunu rak Abdou Ba Ndiegen service de mine ñu deglu Mohamed Abdallah di doomu Abdou Khadir waaw lutax ñuy def li dam dañuy wone ni rek référence yi ñi ngi fi ba légui waaw ay borom xam xam ay nit mu nekk nitu diiné mu nekk nitu aduna référence dafa bax n'est-ce pas motax ki nekone un exemple bu nga xamé ni effacé humilité réel oui voilà mbay dama fatali sax ndax tay ji bo ñëwé ba passé garoutière amna juma du reuy moy vert blanc bobu ngeen gis juma ibadou mom moko gor gui moko fi def dafa école arabe ni jangale ay xam xam fofu te fofu lañ ko jënj nga dem feulé ci boru kaolax dekk bi nan nit ñaw la ngeen gi neewaw voilà def na fa juma ju reuy te neena borom te nin mako netale mam borom Touba moko feñu ci gënt niko la def juma ji fi ci boru après garoutière niko bo fi joge tamit nan la jënt ci fofu te mom bo ñu diglo élément bi gol gi ni ngi juddo ci boru yoonu digënté Guinée Bissau ak Sénégal mais ci borom xam xam lu toll ni walli wu membreum Touba feñu ko ci gënt sol ko xam xam bu bari ak lèr gi bu lu deglo set bi dina lu gëna léral koy gor gi set la ci gor gi di doomu taawam di suñu khalifa suñu sëriñ muy Cheikh Abdul Khader Camara mi nga xamne mom mo donu gor gi nekkal ko fi ci Thiès nekkal ko Guin Guinée nekkal ko Guinée Bissau nekkal ko fepp fi nga xamanteni gor gi jaar na fa wala yi talibé yi ñi ngi fa ci njabot gi ma sha Allah wa bu ngi doon waxtane sëriñ Aladi Camara bo moy kan fan la juddo bu ni mu ñëwé fi Thiès machallah cheikh bi gannaaw buñ len nuyo di len ziyara bu baax di nuyu yi nga xamne ñi ngi ñuy deglu laaj nga ñu question bo xamantene yaakaar na wax ci dina xawa doy war kan moy alhaji sidi mukhtar camara cheikh al islam bo gisee ñun ñu naan ko cheikh al islam moy liggey bi nga xamne liggey nako ci l'islam ci lu feñ mais buñ ne cheikh sidi mukhtar camara moy ki nga xamantene dama naan c'est l'inconnu na xam ko yombul aduna dundam lepp daf ci laqatu danaka ba ni mu laqo ni sax mbiram nit ñi mënu ñu ko xam danaka njabotam sax ñu bari xamuñu kan moy alhaji sidi mukhtar camara waye comme que ñun ñi nga xam dañuy geussu ci ay mbiram dañ dan tok di waxtaan ak mom sobon ci wetam lool don tataan ci mom lu bari ak ñi nga xam ne dañ leen deglu mi ngi juddoo fi nga xam tane lañuy wax 40 ba nek ci wetu Guinée Bissau dekk la bo xamne fa la way juram nekone kuñuy wax Aminta Camara mom moy moko jur Fatoumata Camara du moins kuñuy wax Sidi Fa Sidi ñan ko Sidi Mak Sidi Fa Sidi Aboubakar mom moy bayam Sidi Aboubakar kuñuy wax Baye Camara Cheikh Ousseynou mom moko jur donc mën na né silsila famille bi mi ngi dem ba ci Banu Hashim waye ci baye Ousseynou Cheikh Ousseynou mom nga xamantene mom moy mamu gor gui fa la silsila bi meuna gëna yaato nax bo déggé kuñuy wax Cheikh Sidi Baba bi nekkon fa la ci Mauritanie juru Cheikh Sidi Kabir Cheikh Khalifa juru Cheikh Yankoub mi nekkon fi nga xamné Sénégal min nañ ko premier talibé bu ñuul bi mu am mo nekkon baye Camara bobu Cheikh Ousseynou wa bu ngi doon laaj ban année la gëna ci jamono ak ba mu gëna ci jamono ak légui ñaata at la fi def ci kaw suuf machallah Cheikh al Islam Sidi Mukhtar Camara mi ngi gëna ci vers 1925 xam nga mag ñi mom bu ñëk ba amuñu won comme jamono ñi ay extrait ki date mais li nga xamne xam nañ ko 1925 la gëna ci aduna genn le 14 avril 2017 muy à l'âge de 92 ans machallah muy mom la def ci kaw souf muy sifir bo xamantene sallallahu alayhi wasallam lay japp muhammad sallallahu alayhi wasallam gor gui dundam lima la wax rek lepp daf ci laqatu won waye boy jangat ay mbiram da ngay xamne mbiram lepp batin la won dunduna 92 ans gor gui ci ay ci dundam lepp jamu yalla ak liggey la ko def waw jamu yalla ak liggey gor gui ñep xamul nañ ko ci walu diine mu nekkon kilifa fi ci grand caisse man na ni caisse gep min nañ ko ndax dis na lu juma ji mu defar fi ci caisse ak école arabe moy fele ci entrée caisse bi boy bo passé garou tiar moy vert blanc bobu ci def nako tamit fele ci ni gi ñew la fofu la sa papa nek ak lool lan mo ci xiron gor gi nga xamne ci ay neegu yalla yoy lu melni juma ak ay dara alquran manam lima wax legi gor gi daf ko don ci wayjuram c'est Fa Sidi Sidi Aboubakar nax ñom dañ dan tukki yoron ay talib fi Sidi Aboubakar moko sañ ci moy Fa Sidi nga xamne moy wayjuram mom mo fi kon mi ngi fi ñu denc ci segu keur ma do ki bo demé ci digg armée bi mom mo nek fofu nonu mom moko jur mais gor gui nenañ danaka ci lima jota xam ndawam lepp daf ko ton tukki ak geussu xam danaka amul fu mu demul ci aduna bi amna li nga xamne sax ñing koy bind ci mom dekk yi nga xamne defna fa ci aduna bi yep defna fi Afrique ba Europe ba Amerique yep gor gui defna ko ci ay geussu ci ak ay ñaanalaté machallah liggey nak dafa bok ci mbiram mom liggey la xam liggey jaamu yalla alquran lay foko fek mi alquranu karim foko fek mi ngey kurus dimension spirituelle bi nga xamne tane amna ko bala may ñew ci realisation yi nga xamne am def nako mbirum la sarar manam mbirum ñaan man naane tay senegal wala lu wër senegal afrique ndax ñi mu defar man damay teunk alhaji sidi mukhtar camara ce mo doon ñaanal ñi ñaanalati sud fm toujours à vos côtés voilà jeureuf dame ci liguey bu rafet bobé ñuy profiter ci occasion bi pour nuyu bu baax tam cheikh sarani de suñu woleuré cheikh sarani baro way tam amna ñu ñenen ño xamni itam ay ndaw lañu ay borom xam xam lañu ñu ngi and ak ñun ci émission bi di ñu déglu guddi gu jot modi serigne cheikh ndjay dabay borom daru rahman serigne assane kan borom nasru cheikh omar ndiegen borom kalimatul aq ak serigne basirou bamba xewal ñom ñep ak ki nga xamni mom modi khalifa diane suñu wa keur mamour diane nek fi école demba jaxate en face cité senior école demba jaxate dam amna solo liguey bobu nga xamni def nga ko nañ ci delu soir ñu jël ben auditeur allo allo babakar oui bay mouride bay mouride gassama bismillah ak suñ bobu bay aladji dafa wañeku waaw waaw bay aladji kamak waaw de mom yeguñu ko ah tu vois waaw gis nga de effacé comme comme dans la mort hein très effacé voilà waaw mam kaddu bobu la deg legi ko don tam tam témoignage man nak jotuma ko min tax ndax nek sa bu yar ay def andon ak ay kilifa fofu ci dimanche so dimu jogi lim wax rek mu ñu mëna sétal ndax babakar aduna amul solo yawit dañ lay ñaanal ak dam mom ak ñu ci xal plateau ndax aduna bi ñun joxewul leçon de morale mais sa suñu rek nañ bayyi xel ni kep ko xam tane dund nga def dañu gën fi jëm li rek mo am solo témoignage bu rafet ndax mom li bayyi na fi lo xamanteni tay ah manam sa suñu lepp luñ ci def ci jaamu yalla yol bu ci nit ñi am mom dina ko fekk famu nek kon référence bo xamanteni ñi nga xamanteni yalla jënk ni lan katam ñu xamni luñ lañ jox manam daf leen ko jox pour ceggalul leen ko ndax yama la xiyam wax na ni borom xam xam ni ak ñi am alal ak ñi nga xam am nañ doole suñu borom da leen taxawal bu ci nek laaj li ma la joxot boko def da jamono bi ñu toll ni bari na lu bari lu ci def danaka ngi sal la koy defé ëlëk yama la xiyam suñu borom su laajé loolu nga wax ni defon na ko ngir yalla ñu la waxo dëgg ndax dang ko defon ngir nit ñi tuddu ko comme tuddon nañ ko nak maam suñu toll ni manam lor rek rek bëggoon am nga ko jeexna kon ñu xamni aduna dal babakar fan ci jëm def lu rafet roy ñu melni bay aladji kamara mom ndax ko effacer wol te gis ñu patrimoine bi nga xamni bay na ko ci juma ji mag gi nga xamni wax na ko grand sandi koku fi tol day wone ni ñun war nañu mëna roy ci mag ñoy parce que Sénégal damay wax ni valeur ñu fi suma daanalé aussi ma ngi dorox comprendre nekete art fi tol du bind ni rek waye amna lu muy wone ndax waji sank amna ben tableau bo xamni mo ngi koy décortiquer wax lu ci nekk ci lo xamni fi tol ni pour nga talal sa lo xamni may la kon ci la koy may na jëw war la nuy naqay yooyu nag dafa jar di yaatal pour def exposition yoo xamante ni xale yi dañ ko mën a xam parce que culture la ndax art bi nekkate rek du peinture kon am na lu muy wane kon loolu muy wane nag jar na ñu koy def ay exposition di ko yaatal pour nit ñi mën ko comprendre kon yow sa émission amati na solo mu ngay sant di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah voilà jërëjëf kon Baye Mouride Gassama ñu ngi koy gërëm baax di ko sant keneen ki ñuy waxtaanee tam mooy kàngam waye tam muy ji boromam baye gane kebe nak kuko wax tam di nga waxali gor gui Aliou Diouf ñom ñaar nekkon ay bibliothèque yo xamni lu ne def nañ ko ci art ak culture tay ji yef yi bu tollé fi muy théâtre bi muy musique bi muy pecc mi muy car plastique bi di talif bi amna luñu ci jé ñom ñaar nak yalla dafa def sorenté wuñu waye nak yag nañu bok plateau de di waxtaan fi oui dam dafa am lo bëgg dugg fofu voilà limi ci bëgg wax moy bay ci soxna baye gana keba bi fi joggé ñuko doon ñaanal samedi bi faalé ci kërëm élément bi di waji ñew soxnam di wax dama bëgg bass ci dégglu ko bu baax ak yow ndax da ngeen wax ak baye gana limu daj ngir artiste ak limu bind bafi soxna ci day wax na ni lem fu baye gana bindon bafi ba légui ni ngi fi couleur gi mu amone ak yenn artiste ñu bari gisatuñ ko luddul armée bi ñu continuer lolu couleur gogou xamna li ngeen bay ci xel bu soxna ci wax ngeen deggu ci base dama bëgg nga deggu la ko legi def na juroomi at ci ren 11 avril 2013 la décédé won ma santé yalla julli ci yonent bi nak di sante sama ñaari wajur di sante yalla bu baax mom mi ñu may bañu fekke bis fekkawat bi su tay bi di ñaan yag ko fekke di ñaanal bay gan na yalla xare ko ma xam gëna kawé ci aljana yalla yërem ko yok ay léram te taaf ñu ci barkem demu rek ñu faté ko bis bu ne mu ngi ci suñu xel sa suñu xeyé rek mu ngi melni mu ngi nekk ak ñun ñun duñ ko faté mukk ndax bay gan na baax na amon na yërmandé yërmon na njabotam bëggoon na ay mbokam bëggoon na ay dëkkandoom bëggoon na ñëpp bay gan amul ku mu bëggul woon ñëpp la bëggoon liggéeyal na Sénégal lu bare bare bare nak bare bare bare liggéey na ko bayiko bind na bayyi fi waxna ay kaddu bayiko fi lu ne def nako fi ci lu bax kon nak ñu ngi koy ñaanal yalla fa mu teud yalla bu mu fa jaxlé lolu mo bind bayyi fi bam fi joggé ba légui est ce que li nga xamné ñong ko wala jali ñew ci état bi ak yoy ak borom xam xam ni ñong koy utiliser waaw li mu bind bayiko fi nak man na né presque man dé may jabaram mais pour tok ba dégg ñu tuddu tru bay gan sax déggatuma ko xejna nak man na am mais man déggatuma ko ba tok ba dégg ñu né bay gan ke bi li wala li déggatuma ko fenn té bay gan bind na lu bari bayyi fi bind na livre bo xamné sa bi mi décédé livre bu mujjé bind ci Macky Sall la ko bind ñu nan ko Macky de Saline Macky de Saline bobu gennagul ñu ci don dox nak mais gennagul déggatuma ci dara ci walu armée bi bu 4 avril massana jot bay gan la won na ci yëngu di jappalé défilé bi ak militaire est-ce que lolu tamit ñom colère gogu ñong yé nang koy sam yi sen digënté ak armée bi waaw digënté mak armée bi colère bobu ñu koy sam ndax wax dëgg yalla bu dé ci liñu daan sék ak bay gan ñu ko sék ak man ndax heure buñu amé fête enowa sama carte damay fekk fi 4 avril sama carte damay fekk fi mais budé ci walu ay cadeau man na né côté bobu duma dégg ñu di ci wax ndax daw téwé na 4 avril daw mo dan tok fi ñi reporté waye dégguma ñu tuddu ko fa ren nak li tax ñu tuddu ko fa moy dafa am ben école bo xamné mom lañ ko tuddé muy école bu bess la fum nak mu ngi ci wétu fukki buntu xalé yi ño xam niñ koy dakantalé mais école bi bay gan lañ ko tuddé motax sax ren ñu tuddu ko ci défilé bi mais chaque année mo daan téw ci défilé bi mo daan def reportage bi mais année yi passé yépp dégguma ñu tuddu ko ci walu artiste yi nga xamné mom daawon na bind ay talif yu bari diko jox ay artiste yi nek fi ci Thiès ak ba bitim réew ak Sénégal artiste yoy est ce que ñom ngi continuer ouvel ay li nga xamné bay gan yag na ko bind ñu ñew diko gëssu wala ñu ñew diko certifier non fi mom ben artiste presque ñewatu fi fi gisatuma fi kenn ko fi ñew art gisuma ben artiste bo xamni mu ngi ñew fi gisuma ko ben artiste ñewul fi maintenant que poisson abonde dans nos eaux aux franges des courants marins il ferait si bon de dormir sous les alizés maintenant que poisson abonde dans nos eaux aux franges des courants marins il ferait si bon de dormir sous les alizés Sud FM. La mort, c'est le commencement d'une autre vie avec les ancêtres et à travers les ancêtres, d'une autre vie avec les dieux. Personnellement, quand j'étais jeune, entre 10 et 30 ans, j'avais une peur atroce de la mort qui était avivée. D'ailleurs, il faut le dire, par le catéchisme et la lecture de l'Évangile et de la Bible. Aujourd'hui, que je suis plus près de la mort, je suis plus serein. Je suis plus serein, non pas sur le plan religieux, au contraire, je suis plein d'angoisse. Et je me demande, qu'est-ce que c'est que la mort ? Est-ce que je vivrai vraiment encore de l'autre côté de la vie ? La partie occidentale de moi-même est toujours angoissée devant la mort, ne cesse de s'interroger devant ce grand énigme de la mort. Mais malgré tout, je me sens plus serein. Et au fond, je ne me pose pas tant de questions. Je m'en pose beaucoup moins que du temps de ma jeunesse. La vérité, c'est que j'accepte la mort. Et que mes œuvres, à travers mon œuvre littéraire qui restera, ou mon œuvre politique continuera après moi. Voilà, c'était sa façon également peut-être rentrer dans le monde des immortels, n'est-ce pas? Bay gan fof la lay dougalaté deng li nga xamni le Paul Sérar Senghor wax nako à propos de la mort c'est comme les grands hommes ils se préparent toujours à ce truc nga xamé ni kenn mënu ci rëc ci fenn ben yoon. Eh bien Didier, une fois encore mon cœur se mouille. Senghor a parlé de la mort, de sa mort. La mort ponctue son œuvre. Son premier recueil Chant d'ombre commence par le peuple, le poème In Memoriam. Son dernier recueil Lettres d'hivernage se termine par l'épitaphe. Que de mort dans l'œuvre de Senghor. Mort les tirailleurs noirs, dont il a refusé de laisser l'honneur être chanté par les généraux de France. Mort Siga, morte Siga, Douf et Siga Ndiaye, morte Maron, puisque morte Denim Diop de Diakhaw. Senghor est la mort. J'ai eu l'occasion, à mon retour de Belgrade où je l'ai représenté, il m'a été donné l'honneur de dîner avec le maréchal Tito à sa place. Quelques jours après, il m'a recueilli, il m'a accueilli dans sa demeure. Sud FM, toujours à vos côtés. Voilà, c'était important, Léopold Sérard Senghor. Li xam nga émission bi 2001 la won pour te montrer que émission bi ngi bu nga yag 2001 bi Léopold Sédar Senghor génné adina dama ko wo mom ak gor gui Aline Diouf ñu sékk waxtaan après ñu tek passage bi nga xamé ni Senghor don wax par rapport ak la mort ni il n'a pas peur de la mort c'est vrai mais parfois dafa am ay crainte quoi son côté occidental moko ragal mais spirituellement il sait qu'il va continuer à vivre bon mom tam amna lu mu ci wax c'est affaireu dé donc dé moy deug n'est-ce pas ñom ñaar ñep ñing leen di ñaanal yalla xaré leen aljana dam jërëjëf tam ci ligéy bu rafet bi ñu jël ben auditeur bala ñu déllu sur le plateau allô voilà ñak nañu auditeur bu ñu ngi ni tam Maguette Thiam bayal xojju badian mi ngi déglu badji gis nga dé donc les des références même s'ils partent bon leurs œuvres restent quelqu'un qui s'est bien battu pour les droits d'auteur baygane kebe yalla na soufu mado ki sedd ci kom impression bu ñuy jëk am ci par rapport gis nga li mu wax de grandeur d'un homme de cœur d'un homme de culture par rapport à la mort effectivement di di ndokel d'abord dame mi nga xamné mo def reportage waaw ligéy bu rafet dafa daw yaram dafa daw yaram man xeyna minuma ko won mais ki nga tuddu légui doyen Maguette Thiam nek fi bayal dama koy fréquenter DJ ñi waru ñu baye ba ñuy dé sa ñu leen di tuddé ay mbir parce que lu ñi c'est des conservateurs ñi ñoo tax tay ñun ñu am fit taxaw di wax aduna di ñu déglu xeyna ñom amu ñoon jumtu kay ñu am ñun on a WhatsApp on a Facebook on a énormément d'outils de véhicules donc de messages donc tay du yoon donc héritage bi ñu koy tiaxané donc DJ sa émission xawma ñaat at la am parce que né nga 2001 ñu ngi ci 2018 déjà lolu muy 17 ans émission bi ci bopam warna tay taxaw laaj droit d'auteur dafa am solo parce que élément yi nga yor xamna ni ñun ñi amuñu ko ñu bari ties amuñu ko ci kilifa yu bax yi ñi nga xam dañu jox seen bop Sénégal jox seen bop art et culture tay ñun ñoo ci jariñu baygane kebe dañ may remercier Moussa Fallo mom mo ibbi academy baygane kebe ibbi ko fi ci place de souche la nek mom la soxna ci doon bëgg wax légui dam mo nek lo xamni man étage bu wex bobu ngay seen voilà man personnellement dañu bok groupe WhatsApp mané ko grand xeyna xamom mais man bamay jang ya doon organiser donc génie en herbe ties mo doon xalé bu ndaw di ci Moussa Fallo ma xam nga ah d'accord lom ouais mu nek ko xamni c'est un formateur man may def ay 5e je me rappelle mo doon participer ay génie en herbe yo xamni moko doon organiser bu demé ba tay ibbi une academy tuddé ko baygane je crois que képp kuy acteur culturel donc delone la ndiukel delone ndiukel Sénégal mu nek luñu wara baye xel te ma ngi ñaan aussi wélé mu xol ak Moustapha ñu fay défé une exposition par rapport à ci école ba d'accord c'est possible qui a un réceptacle bu am solo on peut démarcher ça dès maintenant voilà Moustapha mën na lolu da xa ci mom quoi c'est important li soxna ci wax aussi lu reuy le mais dañ koy corriger djé école ya ngi fi d'abord Moustapha mi nga xamné mo tuddé académie bobu donc baygan nek ben jël xalé yi ñu dem déglu soxna ci déglu doom yi ak sét yi ñom ñu wax sen papa homme de culture bi mu nekkone ak OF gu mu oyofone ci njabot gi c'est important ñu def ko étude di jël les américains et les américaines dañuy joggé très loin de l'autre côté de l'Atlantique ñew fi logé fi tuddu ay coura ay ngoné ay code di jël suñu culture parce que dans leurs universités on leur apprend baygan nek bi alors que ñun suñu université do fa dégg ñoy il faut que ñu revoir les programmes parce que ñi valeur ñor c'est des valeurs universelles fu ñu dem dans le monde dañuy sigi di jangal le blanc Senghor jangal na le blanc donc baygane ke mi reprendre lolu nek ci eswa donc ñom dañ ñuy may fit te nañu wara jëriño lolu tay fu ñu toll tay on est dans une crise de valeur et ñi liggéey nañ lo xamni tay buñu démé ba armée dello ñukkal koku diko dello tax soxla ci mo wax ñu dégg ñu xamni tay c'est parce que armée ci valeur lay dox armée bari na ñu bari ci dëkk bi ci aduna bi lay wax mais armée sénégalaise bu démé bay dans certains pays fi ak défago armée dañ nan nekko go un vrai citoyen allo malikum salam ah ñu may oui ñu nal way Idrissa ça va bien waaw ça va bien dama ke ñu nal waaw fay la la mon grand ñu nal ci invité yup nek fo vraiment mais li soxla ci wax sank dafa daw yaram sama bay gane man dafa marqué mu duma ko déggee damay sama yar na taw gis na àn naag mu àll bu doon badara bi ci kër gi 2012 xam 2011 man ko àll ndag ñu tëtee Baye Gana on se def faible en français parce que Baye Gana moo noonu suñu professeur de français d' histoire et de géographie à 4e té yalla xam ni xam nga sabu dafa bopom toujours bima don nek sabu en français bay gana jey histoire ma jang ko géographie ma réviser duma jang manou mais dafa marqué c'est encore c'est un officier de réserve la armée dafa am aussi effectif ak officier de réserve motax wa dañ ko jox au légionnaire mais fi na gay am ñu couleur ni ko xam ci waxe deug la gis na cité là dañ lay bëgg mais do génné adina fatam nga suñu écrivain xam lu len interview PCA wala DG xol fi man dem na fa dem na fa mais kep PCA nga bëgg nek wala DG mais lool amu ñu gëj ñirign comme li bay gande bin ay tiré xalé jang xam mais lool c'est important ñu suñu classe suñu non jangal français grammaire orthographe ponctuation c'est très important donc ni ci del so terre mais nak bu ma gëna metti il faut mo jox carton jaune à Dambaké parce que ak nek mu faté ko xam nga le terre yeguma ko yalla ñu mu ti yeguma won dans sa tu yeguma ko won daw sa jabar ji waxon na man di lama ko wax té rentam ya mako wax yeguma ko won mais kon da nañu ci wacce gam bi ci anniversaire bi hein wa le 11 le won wa le 11 ko parce que resol yeguma ko ngon fi man da non dama ko yegon fi na do ñu parce que ñoo marqué classe bi amu ko faible français ñepp forum français di joxe dissertation ko gëna faible da nga am 50 c'est vrai rédaction non non ce jour vous expliquer rek bu jarul nga jang solution allo Oui. Voilà. Amin. Djerejeuf. Sud FM, toujours à vos côtés. Voilà. Nous devons être un peu sur le plateau avec ce que benen gan gi Ibrahima Wele waye nga ni yow defa go exposition non mais quel est le problème ban jafé nga am pour def exposition parce que man japp na ni li nga def ni war nga ko woné lutax defa go exposition OK bon permettez-moi tout rek me remercier sama xarit sama doomu ndey bi dugg ci won sank muy manjay fall waaw koku sama way la man na né mag mom ño yarondo bañi xalé mam Fatim Dieng mo ñu yar manam mamam donc mu nek sama way duma genn keureum vraiment mu nek sama way te yag nañu ak papa ndjay ak pascal donc mu nek ay nit ño xamantene ci dal contestant la bo xamantene ci bañi xalé yu ndaw lañu dalal and ba légui bon du profiter occasion aussi de nuyuwale fan ndjay tam sur mi nga xamantene ci tay mom mo ñu représenter fofu ci sampaté donc affaire exposition bi dama amul exactement point fumako exposé bon lolo taxone ma xalatone mané xaral ma dem côté mbour 1 nga xamantene ci dafa djégué hôtel yi en même temps djégué na yonu Dakar bi ak mbour bi bon bu ko défé bu mako fa tégué yakarna bu koy nit ñi di rombu peut-être dinañ ci gis bayyi ci xel légui nak ma défone demande bi ma demone ci mairie bu Aliou Sow ma def demande bon bañu jox ma ben récépissé mais bama fa dello barki demb dañ na ma na dem tok rek bës bu gelné dinañ ma wo téléphone waaw bobu lool nak la ci am fu nekk ni ba légui sama tableau yi manko duggal sama bir nek bayiko fofu waaw amna nak yu fa nek ay tableau yu fa nek yenen yu mag bon ben bi ça parle de comment dire stop au comment dire stop la pollution atmosphérique waaw benen bi benen tableau bi ci comment dire ci kibi lay wax dialogue islamo-chrétien waaw lutte contre le terrorisme tableau bobu tamit lool lay wax waaw benen bi nak waaw benen bi nak c'est sensibiliser à la justice de veiller aux longues détentions préventives. Waaw tableau bobu lolou lay wax. Bon tableau yi xamna ni bu ngeen ko gissone ci la len di gëna mëna décortiquer tableau yi lumuy wax. Bu boba di ngeen bu ngeen gisee tableau yi di ngeen xamne tableau yi amna lumuy indiquer. Légui na tableau yoy so gissone ma def ko bëgg na toujours pour sensibiliser nit ñi. Légui yow bo jëlon tay nga nek justice boko jëlon tay nga wéko ko ci sa bureau. Hein nga nek juge nga wéko ko sa bureau. Déjà rek dina la rappeler à ce que ñi nga xamantene ci seeni dossier dafa yagg di nga dem génné ci seen dossier yu yagg yoyu pour mëna xol pour mëna gëss ndax ñooñu def nañu dara wala defuñu dara pour ko ñu mëna ki waaw gram liñ bi mo dagon sank waaw ma ndjay waaw liñ bi mo dagon kay waaw allo non du liñ bi sax xam ko toy defey am problème réseau hein voilà voilà oui waaw waaw yegale waaw c'est à dire tableau yoyu du sensibiliser la tableau yi may défar uniquement boko wéké ci sa bir neeg wala sa salle wala sa couloir sa yone jak rek tableau bi rek dina am lum la buñ la ko lire lé ba nga wax la ko lan lay tableau bi di tekki bu boba sa yoyé wo boko jakarlo ak mom jaxaran rek di nga xam tableau bi lu muy wax dina la fatali waaw donc stop au longue détention préventive bi koku pour ñi nga xamantene ci tay ñoy liggé ci walu justice bu ko défé ay doomu adama lañu rek dañuy faté donc ñu mëna rappelé wu wat ci li nga xamantene ci moy dossier yi yag yi nga xamantene ci dañoo melni luñu ko xawa faté bu ko défé ñi indi wat ko génné wat ko pour jima xol ñooñu ndax war nañ lé mëna libérer ou non bu ko défé mu mëna oyof ci nit ñi mëna oyof ci ñi nga xamantene ci ñom lañ fa téyé tamit bon lolu mo taxone mo illustrer tableau bobu nonu benen bi nak bama déggé affaire terrorisme bi ci la ko inspiré bon en même temps ma dégg dialogue islamo chrétien nga def nga natal ko vraiment mu nek lo xamanteni ci allo oui djé waaw monsieur Koulé Iba wa Iba ça va bien ça va bien merci mo ne tudon la sax mais da nga dégg lé nga wo bay kan rek mané xara mo ñew ma ngi nuyu aussi Dambaké momu top fo ma lay fay ndax bay gars man kërëm la mësa jaar suba tel di fay mané sama pal won dama fa da jaar yenta ci muy xey sax naam sax xamna ma jaar fo ñu waxtaan lu yagg ñu jox mo mën lekki bañ nak mo ne ma gën nga man li may def dama ko def ta yalla tax mais tay bo xolon dictionnaire français ci nek sénégalais baru man ak sénu rat tan dal di ci dictionnaire wan mako gan kébé no way gan kébé gan lañ ci def mu ngi ci dictionnaire écrivain sénégalais mu ngi ci dictionnaire way gan kébé man momako won mono papa jox ma dictionnaire bi mu daal na ma yow mom yow mécanicien ngay ko bëgg gëstu nga yow bo gisé nga neex ma da nga mëna gëstu ma gis ko ci mu won ma lool bu mi nga xamné tamit sama xarit la nekk ci maire bi amna benn bis mu ñëw gis bu melokalan data yoy bu yëkëti xaaliss ne demal nga ko yéré bay gane kébé def na lool ay doom le préfet kébé man limay wax chaque vendredi di ko jëfé nañ tafé ci armée Ibrahima waaw may siaré papa parce que dafa nek ko xamné ni ku baax goor gi Ali Diouf nak aussi dafa nek aussi goor go xamné ni ñom ñoy yapp parce que goor gi Ali Diouf mo bi école mo rekane mo fa nek le premier directeur fi jeul ma trompe c'est en 68 ou 69 ci lay so animé pour wara nek préfet nek ko tel beaucoup mo jangal ñom Jean Ndiaye ma fa nekkon ak ñom Elhadj Ali Diouf bi nga xamné mo nek directeur bi nekkon directeur commerce détail mom mo bi école tel même parce que man dama nek xalé mais ñom ñep sen ka par la mag mu nek ay ñu xamni ay référence la ñoy lañu ñëna war ñu leen tuddi ay yoy parce que mu dafa bëggoon tane militaire ay rek tam yoy ñu ak tuddé ak fawi bo yoy yep damay kesto de lool la japp ba légui man dal ma ngi ko ñaanal fa mu nek yalla na sét guuy amin amin allo voilà malheureusement xamna ni xeyna bala ñu nopi dina ñëwaat jërëjëf Ibrahima Wale nañ del soit ci yow ñu ñëwaat ci benen sujet bi li nga xamni mom modi SODAV droit d'auteur ak société des droits d'auteur et droit voisin muy lo xamni li ba légui bon enfin on attend hein, parce que ma ngi doon wax légui am ñu xam ma ngi leen di interpeller Ibrahima Mbaye peut-être dina woté Max Cham déggatuñu ko Jules Dramé ñom ñëpp ñi ngi xaar peut-être ñu éclairer un peu wané le projet en tout cas ce qui est sûr Badji Mohamed modi il est temps ñu faire ressurgir le sujet gën ci imprégner ñi nga xamni ñoy artiste est ce que réellement ñi ngi jot liñ daan jot est ce que ñi ñaan droit voisin ñi nga xamni instrumentiste ñi ngi jot wala jotuñu loolu yëpp wé ce projet parce que yag na bañ ci joté dox ba fi mais amuñ ci ben écho n'est ce pas effectivement di ci je crois que artiste dañu am représentant dans cette société tuddu nañ fi sank ay tour xéna ñoo lañu xamé bari les corps de métier voilà voilà corps de métier je crois que ñooñu ñoo wara délu à la base té ñu honnête un peu aussi c'est important man xeyna jeunesse bi lay gëna wax les artistes jeunes ku melni fou malade mu ngi ci ay xumaan et tout ça nañu jappalé les rappeurs là nañu jappalé artistes ci ndaw yi c'est important bari nañu wax lool ils sont très présents donc dans les médias mais do leen dégg mu quoi ñuy wax ci affaire droit d'auteur artiste nan la meuna vraiment def ba réussir donc voilà ci art bi mu nekké dije ba ci marathon budgétaire donc à l'assemblée do dég ce point là ñukoy soulever comment la l'art peut nourrir donc son nom c'est rare nga gis ñu wax la ci lu leer nañ té mënu ñoo continuer def ay soirée diko tuddé diw l'art c'est pas un parent pauvre la culture encore c'est pas un parent pauvre du luñuy yalwanal da ngay dégg kuy def ab festival des années durant chaque année di wut ay mécène moy suñu problème à Thiès bu ci mécène yi jappul du dox non c'est pas ça culture dépassé na frontière yu bari tu vois il faut ñu jël exemple melni ay festival donc de jazz de Saint-Louis tu vois dépendre lu ci ben municipalité ou pas tol lañ fo xamné voilà des artistes partout dans le monde ils viennent pourtant ñu ngi ñëw fi am seeni cachet am luñu am donc dafa wara nek lo xamné aussi donc artiste fa nga nek à la base dang ci wara jariñu té lool nañ ci réfléchir bu baax parce que DJ waxon na fi dañuy travailler ci ben projet moy dañu bëgg donc une cité des arts et des lettres à Thiès souf Thiès bi ñun dañ ci bokk ñun acteurs culturels ñun artistes ñun écrivains dañ ci bokk ñun animateurs d'émission dañ ci bokk nañu construire en mutuel ak lu mënu doon ñu préparer d'ici quelques années mënu ñu am donc des maisons clés à main yow c'est des projets c'est pas compliqué il faut se mutualiser c'est important fofu lañ tollu dans ce monde là li ñi def c'est une passion émission bi gudd na mais gis nga ñi ci dugg ay kilifa lañ ci wax ñu bayyi suñu yité di ci wax mais xam nañu ya de l'appétit mais il faut qu'on se prépare ñu soudé wat encore wélé bo fu joggé c'est mon numéro bu mu la manké li ñi wax fi c'est des promesses inshallah yalla def na buntu autorité yu ñu fëgg donc dañ ñukoy ibil muy alim saw mom nga wax le maire pap diop le maire lamine diallo talé ci la mom c'est mom artiste la mom way kat la lepp la allô oui assalamu alaykum wa alaykum salam citoyen à l'appareil ah citoyen na nga def abdou aziz ndiaye na nga def mbal yang ci jam ma ngi ci jam bu ah mais mom si je me trompe mais est-ce que yow bokko fi plateau ak mbay ganna ak gor ak aliou diouf ah oui invité na len ñom ñaar mais mom mu tewé mo don 3e invité bi ah oui c'est vrai si yagna de lima lay wax ni warna def ay 15 ans wala plus lolou warna def ay 15 ans de doyen yagna fatewumako de fatewumako voilà ndessane lima da fay 15 ans mati lima jëw ci plateau bi dama ko faté muko kon suma déggel lu mel ni ko ma yaay kon ci buri sétna akil alors j'ai été plus jeune voilà c'est vrai hein yi lolou yagna de ki dama invité won baygane kebe ak gorgui alum diouf ñi wax ci la propriété intellectuelle mu tombek ande mu don jour bu nga xamni adina wërngël kep mom mo don 3e invité bi Abdou Aziz Ndiaye dama dafa ni allo rek sama xel dem ci lool man ko koy fatali legui ñu ngi koy nuyu bu baakha baax ñi ngi ni tam Tamsir Sow Pape Doudou Diallo Tierno Gassama Omar Fay ak soxna kan voilà ñom ñi ngi déglu depuis Kaffrine c'est émission bi effectivement ban année nga ko démarré émission 96 ans 96 novembre 96 rencontre déjà sur des femmes boutiques quand ils ont installé 96 année bobu la sax sur des femmes nationales moy 94 2 ans après ñu taxawul sur des femmes Thiès en août 16 août le début de commencer après 2 mois après bon décembre 96 bon ça fait maintenant combien je suis nul en calcul hein 18 ans hein, voilà non passé nos 18 ans voilà passé nos 18 ans 22 ans oui ñun ñu ngi bëgg magal ci radio bi dam voilà sante yalla voilà voilà jërëjëf wa sante yalla tam parce que tam je crois que c'est une mission hein parce que dam koy faral di wax souvent parce que chaque jour c'est des défis yow dam xam nga chaque jour lu bess la te do si man sa yu may ñew antenne toujours damay tite day melni tay lay sogo commencer est ce que tu vois tous les jours hein c'est vrai que dama nan amna émission je peux les faire les yeux bandés mais duma ñew ba tok fils moy bëgg commencer damay tite sama fi da fay dem bon c'est normal voilà lool la dal voilà fay déglu émission bi machallah da fay goudé lu rare la nga rare machallah yalla na yalla na voilà jërëjëf 33 951 44 42 mais doñu andil benen tableau mais bay oui waaw dam mais bala muy bala bala ñew Bazid sank defaru soxna baygane dafa am lu mu wax té bamay dem tamit dafa insisté won ci affaire bo parce que néna dama la ji goor gui fébrale nek ci fébrale bi livre bi mu mujjé bind té ba légui jottul égg ci ni ngi fa Bazid dañ lay ñaan yow ak DJ ngeen dem fa ngeen rencontre ak ndaw si soxna si jappalé ko ci livre bobu ba yéne baygane mu égg comme yang ci milliard ah voilà dafa am alaykoum malikoum salam ni ngi len ziar ni ngi lay fay ku bax di rafet lu waxtan bi fan nga ñi woy no tudd man ma ngi tudd matabara job dekk keur cheikh matabara keur cheikh wa ñi ngi lay deglu matabara dama tok rek di rafet lu emission bi surtout ci gor gogou ngeen ni wax bay gan na kebe wa dafa am lu ma ci bëggoon parce que bima deggé soxnam ci wax dafa automatiquement dafa am lu sama xel ñew ma doon ñaan maire Patlo buy est wala Aline Sow ci jëma xol testal ci rue yi nga xamni war nañ ko jël ñu jëm ko tudde ben rue parce que baykana def na ci lo xamni ci walu njang ak njangalé lu reey waaw motax suma sonon dal Aline Sow wala Pape Diop ñu xol ben rue bo xamni nañ ko baptiser ci tour baykana ko bon bi ci def waaw moy monsieur Wela momu tok fofu bon tang dama dit tam wax lo xamne tam xawna mo metti moy ci papier bu bindu déposer ko au niveau du maire Aline Sow dañu ñaan Aline Sow mu jappalé Wela parce que doomu ties la rawatina buñ walum politique amna fu ñom ñaar ko xamne ñoo fa bokk suma son dal dañu ko japp même burul lool sax mais nako jappalé parce que doomu ties la artiste la et je pense que fim koy laaj bon je pense que yakulu ko dara bu fekke tamit place ni koy laaj da fa ron place bo xamni ñom dañ ko soxla na jëm xol ci ties def place bo xamni lañ ci mëna waxtaan vraiment dal mu la ko koy jox parce que vraiment da no don fierté ties merci don fierté bo xamni dal ñu dinañ ci content dal waaw ba sala do dal la won ci dem wax ma ngi sant leen gëreum ah def fat waxtaan bi tamit di ñaan yalla yalla bayi leen fi gëna yagal émission bi té mu dem ba émission buy jall mu don buy jall télé ba émission ba am solo la waaw parce que art dañ koy dugg Sénégal mën na ni mënu dem té art bokku ci parce que art limi jàngalé dafa bari waaw ñi ngi ñaan dal Aline Sow féké mi ngi may dégg wala kuko jëy ñu koy dégg da jima jappalé wala dal lool la mo ci wax dal je vous remercie voilà merci waaw dam nga yéne non vas-y waaw waaw waaw dam limi wax lu am solo la donc soxna suñu mam suñu référence baygane Québec nekkon ci livre bi nga xam da ko bind je crois bien que ci Macky Sall présidence ak institution présidentielle de toute façon jatul ag wala dañ ko wara publier je crois sama comprendre dañ ko wara liguey pour mu meuna genn lolou dina laaj waxtan ak famille bi ñi nga xam ni tay ñoo gérer lepp lu héritage am parce que dafa nek lo xam ni tamit fa ñu togg ak ñom ñu xol ñeko doon accompagner et tout ça la maison d'édition et tout ça yoy soba yalla comme doyen Didier Mbaye mu ngi fi dañ xol luñ ci mëna def je crois que du compliqué parce que thème bi c'est important on parle d'institution institution président de la république te baygana bu bindé bala mu am bébét je crois que donc lolu war nañ ko lire ñun dañ koy soxla ñun suñu walu recherche et dañu fexetu ba éducation nationale bi am ci jotti ak ñi nga xamné ñoy politique ñi nga xamné tay on le réclame donc des valeurs sur le terrain politique soxla ñun donc ñu donc ce livre là je crois que ça vient à son heure parle d'éthique de l'institution présidentielle ak président namu wara taxawé déjà ku xam baygana kay bi xamné lam ci bind mom amana da koy bind Macky Sall la wax mais da ci ñaan kep ki nga xamni rew mi ya ko mu ngi sa loxo nga oyof ci administré yi ku ko xam xamni mom éducation dafa demone ba ci OF na ngay gérer administration li bu mëna mako yakamté lire kon ñaan gi ñu ñaan mak DJ Baye pour ñu dem dox lool dañ ci sawar lool donc dañuy déglu suñu doyen DJ rek paré nañ ci voilà Idrissa Sarr mom tam ñuy déglu depuis Patar voilà Patar c'est sur la route de Touba Idrissa yow tam ñu ngi lay nuyu bu baax bon jeexna 3 minutes mo ñu déssé na ku nekk jël 1 minute affaire wé gaaw ré dam gis nga voilà oui waaw kon malheureusement doto mëna présenter dama la xon nga jël ben table mais du ci xaj mais da ngay déllu swat inshallah parce que yow il faut ñu ki dañ koy top badji hein waaw il faut ñu top la inshallah parce que man dama ko invité une fois rek ma xam ni ki il est très intéressant bon je l'ai suivi depuis bobo te gis na ni ça fait du progrès quoi lu muy def ni wa ce cadre gu mu ci émission bi wa DJ bu fi wax politique dimbali ma rek bu fi wax politique wa d'accord voilà mais nak amna droit gërem sama leader quand même amna droit gërem ko kan mo ci kanam ñepp ko kay bay ko sama leader moy Idrissa Seck parce que man néna orange lay lek orange lay nan orange lay sol orange lay wuyo non non dama defone sax fi lay wax quoi waaw waaw bon ginaaw projet yi quoi rapidement mangi mangi remercier ñepp di ñaanal radio bi yalla na jëm ci kanam ñi nga xamanteni ci ño fi nek tamit yalla na len yalla may wër kat nañ len radio bi yalla na jur télé ba ñepp mën ci jëfëndiko mën ci yitéwo di nuyu ñi nga xamanteni ci ñom la bokal plateau bi badji di nuyu dame di la nuyu yow tamit DJ di nuyu l'ensemble des sénégalais té nan len nak aussi nañ ñu jappalé ci art bi ndax ñun tamit amuñu luddul art bi waaw suñu numéro ñi nga xamanteni ci ñom ñoo ñu wara mëna soutenir ñi xamanteni ci yalla dalena may doolé bon ñu jël suñu numéro de téléphone 77 572 49 33 bu ko defé ñu contacter ñu pour ñu mëna jappalé ndax ñu mëna yobbu art bi ci kanam wa kay je vous remercie voilà jërëjëf uy badji mohammed DJ di la remercier content la je suis très heureux et très ravi donc vraiment ma tok ci plateau bi nga xamni baye gane gebe tok na fi ak doyen Aliou Diouf ak ñom Maguette Thiam très heureux aussi ci donc welim dam mom waaw mom moy doyen bi DJ damay tej bunt ibi palantère DJ dafa am lu am solo ci rew bi te dañ koy ñaan dama tok ak le premier adjoint au maire de Thiès car mu wax lu ma xawa frappé mën nañu am un grand artiste mom day neub tour bi man duma ko neub c'est Kalidou Kassé c'est un fils de Thiès dañ koy ndamo Kalidou Kassé donc l'artiste au droit d'or mom mo né mairie Thiès Est fuñu am souf mom dana tabax centre culturel centre multiforme bo xam dina am ay exposé ñom né nañ li tax amuñu souf dañu bind donc au conservateur foncier tontu wu len ba légui le centre culturel au niveau de la de Thiès Est dañ ko soxla casino mo fi nek muy centre les possessions te xamna ni c'est pas équipé y a rien lolou dombu Thiès bu dem ba taxaw wax lolou Kalidou Kassé xeyna liko yé mo wax lolou mais muñu fexé ba am souf lolou tamit dañuy ñaan rek autorité ñoko yor dañ lay solliciter mais lu war la xawma nak yeen sou basement motax nangam nak ñu duñ ci dugg ñun on veut que vraiment projet bobu nga xamné un fils de Thiès moko bëgg financer zéro franc au état du ci dem nañ lañ dox souf rek ñu créer ben suñu centre culturel voilà merci oy dam nga tagu voilà xana di gërëm suñu invité rek di leen dox dig dajé ba dimanche gam inshallah di jëm voilà jëre jëf dam ci ligéy bu rafet bi kon nak leen dox dig dajé wa télé bi nak lay wax mais télé bi ñun suñu karmi dañoo ñaaw chaque jour moko bintu gay man ko et puis parce que li ñu waran def yépp gaay ils l'ont mal fait voilà lola bëgg wax quoi dañu toujours copier jamais égaler de la radio mais de la télé tam ñu ñu waron def gaay def nañ ko mais ils ont très mal fait dimanche même heure même fréquence si rien dire toujours à vos côtés